C'est les Tin Whistle irlandais, c'est diatonique. It's time for me, I go, salut tout le monde, bonne nuit, good night, arrivé d'air chaud.